Halt! Nous allons nous arrêter ici. Toi, José, va te poster là-bas. Toi, Paco, là. Nous, nous allons nous assurer que tout va bien. Carmen, faisons la paix. Non. Tu m'aimes plus alors. Ce qui est sûr, c'est que je t'aime beaucoup moins qu'autrefois. Je finirai par ne plus t'aimer du tout. Je ne veux pas être tourmentée, ni surtout commandée. Ce que je veux, c'est être libre et faire ce qui me plaît. Si tu me parles encore de nous séparer... Que feras-tu? Tu me diras.